respect. Y'a pas de France d'en bas, mon frère. Ouais. C'est la marque, ça brûle. Faut comprendre, qu'est-ce qu'on m'édite. On va t'expliquer ma gueule. Alors, on est des putains de graffitis sur les murs de France. Indésirable, ma sœur, alors. Le petit Nicolas veut nous sauter au karcher. UMP, fuck off, par ta fenêtre. Mange-toi la douleur de ma jeunesse. Bloqué dans un molotov. Laisse brûler la Citroën d'un daron d'à côté car rien à voir. Faut qu'on se défoule vite fait. Ça va pas nous ramener Siet, ça va pas nous ramener Bouna. C'est pour que les politiques ouvrent les yeux. Laisse brûler. Tu t'es futur daron quand merde tes salopes. Tu me diabolises pour faire de l'audimat. Hein salope. Bloc marital citrons avec les grondés. T'y arrives aujourd'hui, sois pas stupide. Ça va péter main deux. Avant d'avoir du trafic, des vols de voitures dans les ZUP. Y'a des petits basanés la gueule pleine de rêves. Pico, Blacos, se retrouve cocktail à la main droite. Carte d'identité française à la main gauche. C'est la guerre, on a écrit notre livre. La rue a parlé parce qu'ils ont voulu couper les fils. Alors que les gens ne demandaient qu'à vivre. Dans la rue, on chante encore, a-t-il est pour survivre. C'est la guerre, on a écrit notre livre. La rue a parlé parce qu'ils ont voulu couper les fils. Alors que les gens ne demandaient qu'à vivre. Dans la rue, on chante encore, a-t-il est pour survivre. Si t'avais prévenu tous les jeunes de la rue, ceux que t'appelles les exclus. La France d'en bas est venue pour combattre à main nue. Y'a eu du feu sur l'avenue, des acteurs qui on a eu. Car de vos promesses, ils ont été déçus. À force d'entendre des propos compromettants et peu de compétences. Yo, voilà la sentence. Complice du fils, tous les fils d'immigrés enragés. Prêts à enrayer la mécanique. Même l'Élysée a commencé à flipper. Appel à la tolérance, pas de justice, donc pas de paix. Une vagueur de trop, une affaire classée, vite fait bien fait. Qui viennent pas dire qu'ils ont pas fait exprès. Cette fois, on veut du concret, du frais. Les jeunes ont frappé du poing sur la table désormais. Ils veulent se faire entendre, ils veulent se faire comprendre. Sarko, ils sont même prêts à te mettre à la mort. Pas de justice, pas de paix. C'est la guerre, on a écrit notre livre. La rue a parlé parce qu'ils ont voulu couper les fils. Pas de justice, pas de paix. Alors que les gens ne demandaient qu'à vivre. Dans la rue, on chante encore, dis-les pour survivre. Pas de justice, pas de paix. C'est la guerre, on a écrit notre livre. La rue a parlé parce qu'ils ont voulu couper les fils. Pas de justice, pas de paix. Alors que les gens ne demandaient qu'à vivre. Dans la rue, on chante encore, dis-les pour survivre. Demande à qui tu veux si tu crois que je mens. L'oppression policière violente chez nous a déjà atteint niveau d'alerte maximum. Va le dire aux pauvres, leur raquette le vol à l'étalage. C'est bien de la violence, ouais, le langage des pauvres. Tu connais le récit, on casse, le porc s'excite. Crazy bordel, les fouilles au corps excessif. Comment ça France d'en bas? Comment ça on est tous français quand Brahim Maslum prend le titre? C'est la colère qui a parlé, c'était une façon de s'exprimer. À force de se taire, la France entière a éclaté. À quoi bon étudier? Avoir des diplômes en quantité pour qu'on suive sur le marché du tas se faire embarrer. Parce qu'on n'a pas les critères demandés. Parce qu'on n'a pas la couleur exigée. Parce qu'on n'a pas la culture recommandée. Parce qu'on n'a pas le visage qu'ils auraient souhaité. Pas de justice, pas de paix. C'est la guerre, on a écrit notre livre. La rue a parlé parce qu'ils ont voulu couper les fils. Pas de justice, pas de paix. Alors que les gens ne demandaient qu'à vivre. Dans la rue, on chante encore, dis-les pour survivre. Pas de justice, pas de paix. C'est la guerre, on a écrit notre livre. La rue a parlé parce qu'ils ont voulu couper les fils. Pas de justice, pas de paix. Alors que les gens ne demandaient qu'à vivre. Dans la rue, on chante encore, dis-les pour survivre. Pas de justice, pas de paix.